amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il donc passé le 2 septembre ? Eh bien, par exemple, le 2 septembre 1675, en France, le BALP, qui avait fixé pour le 3 septembre le soulèvement des paysans à la basse Bretagne, est assassiné. Les paysans sont désemparés, le BALP. Hein, c'est pas des initiales, c'est son nom, un nom breton, le BALP. Les Parisiens qui jugent les paysans sont désemparés, la répression a le champ libre. 1792, France, massacre de septembre, exécution sommaire à Paris et en province. L'invasion ennemie contre la Révolution surexcite les Parisiens qui jugent trop indulgentes les sentences du tribunal criminel mis en place pour les suspects. Y a-t-il des suspects maintenant, en 2018 ? Non, il n'y a plus de suspects nulle part en 2018. Mais ce que l'on... 1870, France, Sedan devient la tombe du Second Empire. Napoléon III se rend aux Prussiens. Il écrit au roi de Prusse, « Monsieur mon frère, n'ayant pu mourir à la tête de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Je suis de votre majesté le bon frère Napoléon. » Fraternité des classes dirigeantes qui se traduira un an plus tard dans la complicité des Prussiens lors de la répression des communards par tiers. Eh oui, on peut toujours fraterniser avec un ennemi s'il s'agit de combattre une classe sociale à l'interne. Mais bien sûr, la traîtrise de la bourgeoisie. Eh oui, bien sûr. 1872, Pays-Bas. Le congrès de la Première Internationale à La Haye vote le transfert de son siège à New York. Lors de ce congrès, les délégués espagnols se rallient à la position à anti-autoritaire, oui, il manque le N là, de Bakounine. 1878, Argentine. Les typographes de Buenos Aires commencent une grève contre la réduction des salaires et l'augmentation des exigences patronales. Après un mois d'action, ils obtiendront satisfaction. C'est la première victoire de la classe ouvrière argentine en 1878, le 2 septembre. 1902, toujours le 2 septembre, en Suisse, à Genève, une grande grève aboutit à des émeutes, à l'intervention de la troupe et à l'expulsion des travailleurs immigrés. 1911, France, à Troyes, la négociation sur les prix ayant échoué, les ménagères confisquent les étalages et remplacent les commerçants. Tiens. 1938, Italie, le Conseil des ministres décide que tous les Juifs doivent avoir quitté le territoire dans les 6 mois. 1938. 1945, Vietnam. Ho Chi Minh proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder le droit à la liberté et à l'indépendance. 1950, République démocratique allemande, c'est-à-dire Allemagne de l'Est. Les grèves sont interdites. 1969, République fédérale d'Allemagne, grève de septembre. Plus de 140 000 travailleurs de différentes branches de l'industrie, mais surtout du fer et de l'acier, participent à des arrêts de travail spontanés tels qu'on n'en a pas vu depuis des décades. 1984, Afrique du Sud, violentes émeutes dans les cités noires au sud de Johannesburg. Elles font suite aux incidents qui ont marqué la mise en place de nouvelles institutions, ne remettant pas en cause l'apartheid. Le 3 septembre. 3 septembre 1793, à Haïti, traité de la Jamaïque entre les colons de Saint-Domingue et la Grande-Bretagne. cette dernière s'engage à conserver à Saint-Domingue toutes les lois relatives à la propriété existante dans la colonie avant la Révolution française. Les esclaves tombent sous le coup de cette loi. 1830, France, à Paris, grève de 3000 ouvriers typographes. 1832, Grande-Bretagne, après l'échec de la communauté d'égalité parfaite, Robert Owen fonde à Londres l'équitable banque d'échange et de travail, Equitable Labour Exchange. Il essaye d'y appliquer le principe du travail source et mesure de la valeur. 1859, France, à Castres, naissance de Jean Jaurès, le plus grand et le plus original dirigeant socialiste, passionné de l'international. 1866, Suisse, à Bâle, premier congrès réel de l'Association internationale des travailleurs, c'est-à-dire c'est la première internationale, il défend l'idée de l'émancipation ouvrière par la généralisation du mutualisme. Il ne s'agit pas de détruire la société existante, mais de l'aménager. Pas de révolution, pas de grève. La journée de 8 heures doit être la base de l'organisation du travail. 1906, Russie. Parution du numéro 1 du journal bolchevique illégal Prolétari, en Finlande, Suède et en France. 1923, Allemagne. Un dollar vaut 420 milliards de marques. 1923, Allemagne. Un dollar vaut 420 milliards de marques. Il fallait une brouette de billets remplis à ras-bord pour acheter un pain. 1934, Tunisie. Début de la répression contre les nationalistes, 1934-1936. Les dirigeants du Néo-Destour sont arrêtés. Le Néo-Destour nationaliste tunisien et laïque s'oppose au vieux Destour fondé en 1920, pan-arabe et musulman. 1939, France, Grande-Bretagne, Allemagne. Suite à l'invasion de la Pologne par les troupes de Hitler, l'Angleterre, puis la France déclare la guerre à l'Allemagne. 1941, Allemagne. Première utilisation massive des chambres à gaz à Auschwitz. 1969, Vietnam. À 79 ans, Ho Chi Minh, président de la République démocratique du Vietnam, meurt d'une crise cardiaque. 1980, Italie. Dans plusieurs journaux, on lit en première page, la Fiat a préparé 23 000 lettres de licenciement. Les ouvriers s'inquiètent, les syndicats mobilisent. 1981, entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. 1981. 1984, Vatican. Publication d'un document du préfet de la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi sur quelques aspects de la théologie de la libération. Le théologien Leonardo Boff est convoqué à Rome pour le 7 septembre. Le conflit entre une théologie proche des opprimés et l'autoritarisme doctrinal romain, renforcé depuis la venue de Jean-Paul II, apparaît au grand jour. Ben oui, on ne peut pas toujours cracher son jeu, hein. Le 4 septembre 1833, en France, à Paris, 5000 ouvriers charpentiers se mettent en grève. Ils demandent 4 francs minimum par journée de travail. 1867, Suisse, à Lausanne, deuxième congrès de la première internationale. Les coopératives ouvrières ayant échoué, la grève et l'action syndicale s'imposent dans les faits. Le Congrès adopte une résolution qui affirme que les efforts de la nation doivent tendre à rendre l'État propriétaire des moyens de transport et de circulation afin d'anéantir le puissant monopole des grandes compagnies. L'État doit devenir propriétaire des moyens de transport et de circulation afin d'anéantir le puissant monopole des grandes compagnies. Ah, ah, c'était en 1867, loin, en Suisse, enfin loin, pas si loin, en Suisse, hein, oui. 1870, France, rien à voir donc avec la situation actuelle en France. 1870, France, à Paris, suite à la défaite des troupes françaises à Sedan, et sous la poussée populaire, la République est proclamée. Un gouvernement de défense nationale que Marx, Karl Marx, qualifie de gouvernement de défection nationale est mis en place. Il regroupe les bourreaux de 1848. Il a peur que le peuple en armes continue à lutter. Ce même jour, à Marseille, 20 000 personnes se rendent à la prison Saint-Pierre et libèrent les insurgés du 14 août. C'est pas en France qu'on verrait ça, ni dans d'autres pays, en 2018. Hein, non, tout ça, ça appartient à l'histoire, c'est-à-dire c'est du passé révolu définitivement, à moins que. 1900, Belgique, à Charleroi, 8229 verriers sont en grève. 1904, France, à Auxerre, 3e congrès de la Fédération nationale des bûcherons. On compte environ 9000 syndiqués regroupés en 71 syndicats. 9000 syndiqués dans la profession des bûcherons. Quelle honte pour... Enfin, 1904, hein, c'était. 1911, France, à Saint-Quentin. L'émeute des ménagères dure toute la nuit. Les portes de la prison sont enfoncées. 5 prisonniers sont libérés. 1936, Espagne. À Madrid, un gouvernement de coalition est formé avec Largo Caballero, le Lénine espagnol. 1951, Japon. Ouverture de la conférence de San Francisco. Elle aboutira à la signature du traité de paix et du pacte de sécurité nippon-américain. 1957, USA. Incident raciste à Little Rock, dans l'Arkansas. Le gouverneur fait appel à la garde nationale pour empêcher l'intégration scolaire des Noirs. Le président Eisenhower fait appel aux troupes fédérales pour permettre l'accès des enfants noirs à l'école. Alors je me rappelle d'avoir suivi ça, ces événements-là, à la radio. Comme quoi les radios, c'est utile quand même. Ça nous permet d'être informés, quelquefois, souvent, la plupart du temps. 1970, Chili. Le candidat de l'Union populaire, Salvador Allende, arrive en tête de l'élection présidentielle avec 36,3% des voix. 1974, Portugal. Première grève générale de la presse. 1978, Iran. Plus de 200 000 manifestants lancent une campagne de fraternisation vis-à-vis des soldats à Téhéran. Frères soldats, ne tuez pas vos frères. 1983, Chili. Réunification du Parti socialiste et formation d'un bloc socialiste. 1984, Chili. Pendant une journée de protestation, le père Jarlan, un prêtre français, est tué de 2 balles dans la nuque alors qu'il était en train de lire à son bureau dans un quartier pauvre de Santiago. Ce n'est qu'un aspect de la répression brutale contre la protestation populaire. Nos lance-grenades, 120 mm, font un bruit étourdissant à chaque coup. Chaque fois aussi nous enrageons. C'est là que s'envolent les hôpitaux, les écoles, les centres de convalescence que nous ne pouvons pas construire parce que nous devons nous défendre. Luis Santiago Palacio Gomez, Nicaragua. Une petite revue de presse, Vosges Matin, par exemple, du 24 août 2018. Rue sur Moselle, l'entreprise, la filature de Valrue, industrie est sauvée. Épinal, fait divers, mort devant l'hôpital, il était transporté dans sa voiture. En début de semaine, une personne de 50 ans a été déposée sans vie devant l'hôpital d'Épinal par 2 hommes. Le transport s'est fait dans son propre véhicule. Une fête aurait eu lieu durant la nuit à son domicile de Saint-Dié. Comme quoi, un mot, ça peut changer le sens d'une phrase. Remiremont, un jeune homme découvert mort. Nous l'apprenons seulement. Un jeune homme de 20 ans a été retrouvé mort à son domicile de Remiremont vendredi soir dernier. Sans doute s'apprêtait-il à sortir. En tout cas, il avait sa sacoche en bandoulière et les clés de son appartement dans une main. La porte était fermée de l'intérieur. Son corps ne présentait pas de traces de violence. Affaire de stup, les prévenus condamnés à Épinal. Laura Flessel en visite samedi à la Bresse. Alors ça, c'était le 23 août 2018. Le même jour, Vosges Matin toujours, Don Martel et Remiremont, festival, notre fréquentation a doublé. La 5e édition du Festival des Sapins Barbus, pour la première fois sur 2 jours, a réuni près de 4800 spectateurs, soit le double de l'année passée. Le président de l'association, Jérôme Millotte, revient sur ce week-end. Donc, un article complet que je ne lirai pas puisque je ne lis que les titres. Affaire de stupéfiants, le jugement attendu ce jeudi, à Épinal. Alors, je suppose que depuis, c'était publié. Doubler le nombre d'expulsions. Alors, on voit Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, à la sortie du Conseil des ministres, c'était au mois d'août encore, hein, bien sûr, c'est un journal déjà un peu ancien. C'était le jeudi 23 août, oui. Jeudi 23 août, doubler le nombre d'expulsions. Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, signerait sans doute les propos du patron de Frontex sur la priorité à donner à l'expulsion des migrants irréguliers. Alors, il salue les journalistes en sortant du Conseil des ministres, en levant la main droite à hauteur du visage. Hein, il lève la main droite à hauteur du visage, les doigts réunis, la main à plat. Voilà. Hein. À une autre époque, on aurait appelé ça, je ne sais plus comment on appelait ça, le salut romain, je crois, non ? Pas ça ? Enfin, ça avait une signification politique assez particulière. Cette façon de saluer. Bon, il est ministre de l'Intérieur, il est un peu âgé, on l'excusera provisoirement, jusqu'au prochain faux pas. Donald Trump est-il insubmersible ? L'entourage du président américain vacille, mais lui ne rompt pas, malgré les affaires sulfureuses qui concernent aussi bien son passé que son élection. Il est même reparti en campagne. Voilà. Alors si dans les mois prochains on a une sorte de guerre mondiale ouverte ou économique ou diplomatico-économique ou etc. Ou une guerre ouverte carrément militaire, eh bien on saura à qui c'est dû. Bon. Ainsi va Donald Trump, dit un article. Alors on ne va pas non plus le lire, on n'a pas le temps. Chantier jeune, dernière session à la forteresse. Les jeunes travaillent sur la rénovation de la tour Jarlet, Châtel-sur-Moselle. Voilà. Alors des bénévoles qui travaillent donc pendant les vacances, gratuitement, et même je crois qu'ils payent leur nourriture et leur hébergement. Eh oui. Bon, c'est comme ça. Hein. Un bénévole de plus, un chômeur de plus. Ah oui, chaque fois qu'un bénévole prend un emploi, c'est un emploi qui ne peut pas être pris par un salarié. Eh ben oui, c'est comme ça, que voulez-vous ? C'est la vie, hein, c'est dur, mais c'est la vie. Comme ça, on n'y peut rien. Ben non, on n'y peut rien. On va essayer de voter mieux le prochain coup, mais voilà, ça fait déjà 50 ans qu'on essaye de voter mieux, même bien davantage. Un nettoyage pour partir au Puy du Fou. 10 jeunes du Rumont, âgés de 11 à 17 ans, travaillent depuis lundi autour du banc de commerce, le 23 août, dans le cadre d'un chantier éducatif. Le désherbage, le nettoyage et le fleurissement vont leur permettre de partir 2 jours au Puy du Fou. Alors pourquoi le Puy du Fou ? C'est à l'autre bout de la France, c'est quand même le prix d'entrée, les transports, etc. Et quelle est la valeur éducative du Puy du Fou ? N'y a-t-il pas un musée dans un rayon de 50 ou 100 km autour de Remiremont qui le rapporterait au moins autant et, enfin bon, ouais, passons provisoirement. Demande d'emploi, le 23 août toujours, Meurthe-et-Moselle, il y a une demande d'emploi. Autre secteur, ben, Meurthe-et-Moselle encore. 22 ans d'expérience, cherche travaux placo, pâtre, papier peint, peinture, plomberie, électricité, revêtement de sol, travaux divers, tout paiement accepté. Voilà. Personne sérieuse, 35 ans d'expérience dans le bâtiment, cherche travaux, peinture, papier peint. Voilà. Alors donc, le travail au noir, lui aussi, ben, il tue l'emploi. Hein, mais ça pèse, ça, tout ce qui pèse sur l'emploi, c'est bon pour les actionnaires des entreprises, parce que ça fait baisser, le niveau des salaires, bien sûr. Et ça fait baisser les conditions de travail, qui elles aussi coûteraient un peu d'argent. Le beau-frère d'Alexia change d'avocat à Gré, après les accusations de Jonathan Daval, meurtrier présumé d'Alexia. Son beau-frère Grégory Gay sera désormais défendu par maître Gilles Jean Portejoie, pénaliste de renom de Clermont-Ferrand. C'est vrai que ce monsieur, il s'appelle Portejoie, cet avocat, et il est en train de sourire sur la photo. Donc, c'est rassurant. Voilà, alors les parents qui choisissent des prénoms un peu exotiques, pris peut-être dans des feuilletons, dans des romans photos, etc., je me demande s'ils ne mettent pas le doigt dans un engrenage qui consiste à plus ou moins... à amener leurs enfants sur des voies qui mènent plus ou moins à des choses désagréables, dangereuses, pénales, etc., etc. Le condamné à mort, mais c'est Serge Atlaoui, dans l'état politique indonésien. Arrêté pour trafic de drogue en 2005, puis condamné en 2007, le médecin Serge Atlaoui est toujours dans le couloir de la mort en Indonésie. La campagne électorale pourrait raviver les appels à exécuter des trafiquants étrangers. Alors, était-il réellement trafiquant ? C'est pas sûr du tout. Alors, moralité, bien, il y a des pays qu'il faut éviter. Hein, tout simplement, si on a envie de faire du tourisme, ben, évitons les pays qui ne sont pas démocratiques. Les pays qui traitent mal leur population, eh bien, c'est pas la peine d'apporter de l'argent aux commerçants de ces pays-là. Il faut d'abord que ces gens-là fassent des efforts en ce qui concerne leur population, pour que éventuellement on aille leur apporter de l'argent. Chine, États-Unis, le bras de fer. Alors on voit Xi Jinping qui serre la main à Donald Trump à Pékin. Alors il y en a un qui a un petit sourire légèrement contraint, Xi Jinping, un sourire asiatique. Hein, et puis l'autre qui fait carrément la tronche. Hein, et comme Donald Trump, il s'amuse de temps en temps à serrer très fort la main des personnes qu'il rencontre, hein, juste histoire de les humilier pour leur montrer qu'il est plus fort. Là, apparemment, Xi, il a l'air de supporter la pression, moralement et physiquement. Ah, bah oui, bah, on verra la suite, parce que la suite, elle avance petit à petit. L'extraordinaire jardin de Filippo. Certes, Dame Nature a tout fait cette année pour favoriser les cultures, mais dans le jardin de Filippo Panozzo, fruits et légumes bénéficient aussi de tours de main et petits secrets au demeurant très efficaces. Et oui, il y a des gens qui sont très forts en jardinage, hein, qui prennent beaucoup de plaisir à s'amuser à faire pousser des fleurs, des légumes, un peu exotiques, un peu ceci, un peu cela. Comme ça, juste pour le plaisir. Pour le plaisir de les faire pousser et ensuite de les manger ou de les contempler. Hein. Débat, conférence et art au musée. Cap Avenir Vosges. Enfin, bon, sans commentaire. Ce samedi 25 août à partir de 14h30, Jean-Luc Romary du groupe Le Pantalon Rouge animera au musée de l'Association du patrimoine taonais une conférence, débat, conférence sur la guerre de 14. Alors, la guerre de 14, oui, bon. Évoquer les événements, évoquer les dates, oui. Mais ce qui serait intéressant, ça serait de réfléchir sur la manière dont la guerre s'est passée, sur les raisons pour lesquelles cette guerre a eu lieu et quelles ont été les conséquences pendant les mois, les années, les décennies qui ont suivi la guerre de 14. Ben, une des conséquences, par exemple, de la guerre de 14, eh bien, c'est qu'il y a eu la guerre de 39-45. Hein. Donc, on peut dire qu'il y a une série de trois guerres, hein, pour ne pas remonter au déluge. Trois guerres principales, la guerre de 1870-71 qui a fait 732 000 morts, hein, donc on sait le nombre de morts à 2000 près, entre la France de Napoléon III et la Prusse de Bismarck, qui nous a coûté trois départements et je ne sais plus combien de milliards de francs or. Ensuite, il y a eu la conséquence de cette guerre, c'était la revanche de 1914. On a voulu reprendre les trois départements, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle. Donc, on a fait cette guerre contre l'Allemagne. Et là, ça a fait 8 millions de morts. À un million près, on ne sait pas exactement. Hein, 8 millions, peut-être peut-être plus proche de 9 que de 8, mais bon, on ne sait pas. Et puis, la conséquence de la guerre de 14, on a repris donc les trois départements, et la conséquence de la guerre de 14, eh bien, c'est qu'un certain Adolf Hitler est arrivé au pouvoir quelques années après, et son projet, ben, c'était d'apporter à l'Allemagne, au Reich, au Troisième Reich, la revanche sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et cette fois-là, 73 millions de morts. Hein. Le doyen, héroïne ordinaire, téléfilm Mélancolie ouvrière, 20h55 sur Arte, mais c'était le vendredi 24 août. Voilà, Mélancolie ouvrière. Au cœur de la Grande Guerre, scène à bord la chipote, à l'écoute de Daniel Genet, guide bénévole, coiffé d'un képi comme à l'époque, les visiteurs ont vécu une émouvante page d'histoire. Alors donc, je dis, oui, évoquons les faits en question, les dates, mais pensons à la manière dont les soldats vivaient, dont leurs familles vivaient, au nombre de morts qu'il y a eu, aux conséquences de cette guerre, à ses causes. Hein. Une des causes de la guerre de 14, ben, c'était que tout simplement, il y a eu Jean Jaurès qui a été assassiné en France pour permettre de faire basculer la population dans la guerre. Hein. Et puis ben, en Allemagne, on en a fait voir de toutes les couleurs et on a fini par les assassiner. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui eux aussi étaient socialistes et eux aussi étaient opposés à la guerre. Les journées du patrimoine animé. Premièrement, cette année, dans le cadre des Journées du patrimoine, membres de la Société d'histoire locale, auteurs et acteurs locaux se sont associés pour proposer une lecture d'une douzaine de textes issus des archives municipales. Alors il faudra venir nombreux parce qu'il va y avoir des choses intéressantes. Il va y avoir des choses très intéressantes à ces Journées du patrimoine. Le développement lent et contesté des éoliennes. Les ambitions de l'État sur l'énergie éolienne se heurtent à des oppositions dans les territoires qui retardent les projets. La région Hauts-de-France ne veut plus de mâts. Explications et reportages. Oui, c'est pas à ceci près que c'est pas l'État qui est amateur de tellement d'énergie éolienne. Non, l'État, il est plutôt, enfin, la machine d'État, et au service de l'industrie nucléaire. Hein. Alors l'éolien, ça pourrait faire éventuellement un peu d'ombre au nucléaire. Non, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Pas du tout, au contraire. Si vous allez dans le nord de l'Allemagne et même au sud, ben vous, des éoliennes, vous en voyez beaucoup plus. Et vous voyez aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de panneaux solaires. Il y a beaucoup de fermes qui, dans le nord de l'Allemagne, ont un hangar, le hangar dans lequel sont les tables, dans lequel sont logées par exemple les vaches. Bien, ce hangar est couvert d'une centaine de mètres carrés de panneaux solaires. Ce qui fait que l'exploitation en question, la ferme en question, elle est totalement autonome en énergie électrique, bah, trayeuse, éclairage, etc. Et puis même, à certains moments de la journée, de la semaine, eh bien, on vend de l'électricité aux voisins, hein, ou aux villages voisins, etc. etc. Hein, oui, mais voilà. Une rentrée politique très rentre-dedans. Alors, on se demande, les marcheurs sont-ils déboussolés? C'était le samedi 25 août 2018. Le PCF attend son congrès, l'écologie à la conquête de l'Europe. Ah, si l'écologie à la conquête de l'Europe, ça sera drôlement bien. Mais espérons que ce n'est pas des Macron, des ceci, des cela. Vous savez, on en a vu des défilés, des pseudo-écolos au pouvoir. La proximité avec Mélenchon est malsaine, dit Patrick Kanner, président du groupe PS au Sénat, présent à l'université d'été de La Rochelle. Alors ces gens-là, ils n'ont toujours rien compris. Hein, toujours rien. Et ils se disent socialistes. Ils se disent, ben oui, c'est facile de prendre une étiquette. Hein. N'importe qui peut se servir. Ben oui, on peut dire, voilà, je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela. Ben, encore faut-il le prouver. Hein. Ben oui. L'ADR du procureur Manteau, dans l'intérêt de la société, l'aura plaidé à 500 reprises environ pendant les 6 ans et 3 mois qu'il est resté patron du parquet du tribunal de grande instance d'Épinal. À l'audience de ce jeudi matin, devant le tribunal correctionnel de la Cité des Images, Étienne Manteau, procureur de la République, a présenté ses conclusions pour la dernière fois. J'ai comme l'impression qu'on le regrettera. Hein. Amazonie. Des images inédites d'un peuple isolé. Équipé de drones, la Fondation nationale indienne du Brésil a découvert une nouvelle tribu primitive isolée dans la forêt près de la frontière entre l'État brésilien de l'Amazonas et le Pérou. Alors j'espère que ces gens-là On va éventuellement prendre contact avec eux, mais de façon très, très, très pacifique, très discrète. Et dans le cas où ils montreraient qu'ils n'ont pas envie d'entrer en contact avec la, entre guillemets, civilisation que l'on représente, eh bien, il faudra qu'on s'efforce de leur fiche la paix, de ne pas les gêner d'aucune manière. Eh oui, ben oui, d'aucune manière. Il va falloir les respecter, respecter leur volonté et leur fiche la paix. Voilà. 60 000 pneus brûlés dans un violent incendie. Espagne, Franco sera exhumé. Le gouvernement socialiste espagnol a lancé formellement hier le processus d'exhumation de l'ancien dictateur Franco de son mausolée controversé, surmonté d'une croix de 150 mètres de haut. Selon le numéro 2 du gouvernement, Carmen Calvo, l'exhumation à laquelle la famille de l'ancien dictateur est farouchement opposée pourrait avoir lieu à la fin de l'année. Nous célébrons les 40 ans de l'Espagne démocratique. 40 ans de l'Espagne démocratique. Eh oui, 40 ans qui vivent en démocratie, les Espagnols, enfin. Ce n'est pas compatible avec une tombe d'État où l'on continue à glorifier la figure de Franco, a-t-elle insisté devant la presse. La solution la plus plausible serait de transférer la dépouille de Franco dans le caveau familial près de Madrid. Voilà. Alors, fiscalité, une suppression progressive. Bonne surprise de rentrée, votre taxe d'habitation devrait être moins douloureuse cette année. 80% des ménages verront cet impôt local diminuer de près de 30%, puis de 65% l'année prochaine, avant une suppression totale en 2020. Alors là, on ne peut qu'être tout à fait satisfait, complètement béat de satisfaction, quand on apprend une chose comme ça. Mais ensuite, dans un deuxième temps, on se pose la question, mais comment vont faire les municipalités pour faire face à leurs charges? Comment ils vont faire? Et puis, ensuite, par quoi cet impôt-là sera-t-il remplacé? Est-ce qu'on va le remplacer par un impôt qui sera plus juste par hasard? Ce que nous a montré ce gouvernement-là, c'est qu'il ne savait pas être juste. Il ne savait pas. Alors, il y a tout à craindre de ce changement-là. Écharpe tricolore de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel et Clémentine Autain. Discret depuis le début de ses amphis d'été, le leader de la France insoumise s'est montré rassembleur. Cette année, une nouveauté, la France insoumise joue la carte de l'ouverture en invitant des élus d'autres partis, communistes, socialistes, génération.s et même républicain. Non, il y a la volonté dans ces universités d'été d'avoir des débats ouverts sur toute une série de questions et de ne pas gommer les clivages et au contraire d'affronter les débats qui existent entre des forces politiques et dans la société. Malgré cette apparente unité, un malaise dans les rangs de la France insoumise. Un collectif d'insoumis démocrates s'est formé et dénonce la mainmise de Jean-Luc Mélenchon sur le mouvement. Une critique que ne comprennent pas élus et militants. Au contraire, je trouve qu'on a su montrer qu'on n'était pas, et Jean-Luc le premier, parce que c'était sa volonté, le mouvement d'un seul homme, mais un mouvement qui a plusieurs visages maintenant et qui a aussi une force de ses groupes d'action. Donc ça, je trouve que c'est exactement tout l'inverse de ce qui se passe depuis un an. On fait la preuve tous les jours que la relève est prête. C'est en aucun cas un mouvement que ce soit autour d'un seul homme, au contraire. Jean-Luc Mélenchon donne aujourd'hui son grand discours de rentrée. Il devrait insister sur les questions de stratégie pour l'année à venir, notamment les élections européennes de 2019. De ce fait-là, on entend ce matin que... La tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Mais ce que je crois profondément, c'est que l'action qu'il avait engagée depuis 14 mois était utile au pays, à nos concitoyens et à notre modèle et à la transition écologique que nous portons. Il n'a prévenu ni le président de la République, ni le Premier ministre. Vous le regrettez ? Je n'en sais rien. Mais c'est ce qu'il dit. Il le dit. C'est sa manière de faire. Vous n'allez pas douter de sa parole. Je ne doute pas de sa parole, c'est sa manière de faire. C'est sa manière de faire. Vous regrettez cette manière ? Je pense que la plus élémentaire des courtoisies aurait été effectivement de prévenir le président de la République et le Premier ministre. Vous savez ce qui s'est passé ? Nous venons de l'apprendre sur France Inter, la démission de Nicolas Hulot. Les chasseurs, je vois que vos yeux tout d'un coup... C'est une plaisanterie ? Non. Vous croyez que je suis là, on n'est pas dans le fake news, non, sur France Inter, semble-t-il, Nicolas Hulot aura démissionné. Je dis, Nicolas, franchement, toute ma sympathie. Ton geste aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. J'imagine que ça a été très dur tous ces derniers mois, et on savait que c'était très dur tous ces derniers mois. Toute la sympathie des écologistes, et évidemment, nous continuons le combat, parce que les canicules vont pas s'arrêter. Il est des vôtres ou pas ? Mais il a toujours été des nôtres, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est une personnalité qui est appréciée des Français. Moi, c'est quelqu'un dont je ne partage pas les idées. Ce que je constate surtout, c'est qu'au fond, cette démission est le reflet des conséquences des ambiguïtés des politiques de Macron. Il cherche à tout concilier, sans jamais trancher. Comme à l'arrivée, tout semble être en même temps. Bah, le résultat, c'est qu'il perd des personnalités comme ça. Je pense que cette démission... est le reflet d'une rentrée très difficile pour Emmanuel Macron. Ça ne me surprend pas, ça ne surprendra pas d'ailleurs beaucoup d'observateurs. Ça fait longtemps que Nicolas Hulot, visiblement, est mal à l'aise dans un gouvernement qui, en réalité, n'est pas très pro-environnement. La place de Nicolas Hulot, qui était ministre d'État, était au fond décalée par rapport au thème dont il était le responsable au sein du gouvernement. Et on voit bien qu'au fur et à mesure, visiblement, Nicolas Hulot, à juste titre ou à mauvais titre d'ailleurs, a dû avaler un certain nombre de couleuvres et que probablement la coupe était pleine. Je la comprends, je l'approuve et je tire mon chapeau parce que comme Yannick vient de le dire, c'est une décision courageuse. Mais il a lui-même dit qu'il ne pouvait plus mentir. Ça fait des mois et des mois qu'on passe de renoncement en renoncement. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Il a pesé du maximum de son poids et chacun sait quel est ce poids politique et médiatique. C'est son choix. Pour moi, vous savez, quand je parle de la crise qu'on a connue et qui peut revenir, c'est tellement plus important. Quand on parle de l'immigration... C'est tellement plus important. C'est anecdotique ce départ finalement. Non, je veux pas blesser personne. La vie politique dans ce soubresaut quotidien n'est pas mon domaine. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage visage de mon passé. Que reste-t-il des nos amours, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, un paysage si bien caché, et dans un nuage le cher visage de mon passé. C'est une nouvelle tout à fait prévisible. Les chasseurs ont tué net le ministre. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme, peut-être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Les chasseurs ont eu sa peau, c'est ce que vous nous dites ce matin. Oui. Emmanuel Macron, non ? C'est les chasseurs qu'on... Les chasseurs et Macron, oui, et le président, bien sûr. Il est très sensible à la biodiversité, Nicolas Hulot. Et ça a été sans doute pour lui vraiment la nausée que d'être confronté à ces gens qui font du lobby pour réhabiliter la chasse. Pour tout vous dire, on en a parlé hier soir et c'était visiblement trop. Il n'avait pas encore pris sa décision hier soir. Mais il a été très affecté par le peu d'intérêt porté sur les questions qui lui paraissaient essentielles. Je crois qu'on avait hier abouti à un bon compromis. C'est la raison pour laquelle je regrette cette décision qui ne correspond pas à l'esprit de la réunion à laquelle j'ai participé hier, qui était une réunion constructive. Peut-être le ministre a-t-il pensé que ce compromis était pour lui un compromis de trop. Le départ de Nicolas Hulot, pour les gens qui vivent dans la campagne, pour les ruraux, pour les chasseurs, pour les pêcheurs, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Moi, je suis pas du tout mécontent ce matin de voir Nicolas partir. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Ouais. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Ouais. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Ouais. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Ouais. Et vous avez raison. Mais aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. C'était pas des skis comme maintenant, c'était pas des skis en platière mastic. Et on n'avait pas de charnière de sécurité, nous. Puis on n'avait pas de chaussures qu'on ne peut pas marcher avec. Les chaussures de maintenant, oh ouais, il faut trois chausse-pieds pour rentrer dedans. Deux démonte-pneus pour en sortir. Ouais. Si t'as pas les outils, tu couches avec les chaussures. Bon. Nous, c'était des sabots qu'on clouait sur les skis. Comme ça, la sécurité, elle était toute trouvée. Hein. Tu tombais, bam, les skis continuaient tout seuls. Ils allaient chercher du secours. Penses-tu? Hein? On n'avait pas besoin de faire des trucs compliqués, on n'avait pas besoin de faire l'œuf, nous, en ce temps-là. L'œuf, vous demandez un peu. Ou bien des trucs impossibles, comme le chasse-neige. Bon, le chasse-neige, quand ils font ça, on croirait toujours qu'ils ont fait caca dans leur culotte. Il y a des fois que c'est vrai, hein. Ou bien des trucs impossibles, comme les Christina. Bon, les Christina, moi j'y connais rien, c'est un moniteur qui me l'a dit. Il paraît que le Christina, c'est un virage qu'on peut faire d'un seul coup, sans arrêt. Il y a qu'à changer de quart. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait pas changer de quart avant qu'ils soient tous les deux en arrêt. Les deux quarts. Le chauffeur ne veut pas. Bon. Et puis nous, dans le temps, on remontait à pied. Maintenant, c'est des têtes de ski, des têtes de ben, des têtes de ferrique. Ils feront bientôt des trucs comme ça, rien que pour descendre. Vous croyez que c'est du sport, vous? Une heure de queue, cinq minutes de descente? Oh, c'est plus ce que c'était, moi, je vous le dis. Nous, t'aurais vu, quand on remontait en ski, puis qu'on redescendait à plat ventre. Oh, depuis la visière de la forêt. Mon, il y a la poussière, tiens. T'aurais vu. Bon, maintenant, on n'y comprend rien. Ils défrichent des arbres, hein, ils coupent des arbres, ils défrichent des nouvelles pistes. Quand c'est défriché et qu'il n'y a plus d'arbres, ils plantent des piquets pour faire exprès de tourner autour. Stalom, qu'ils appellent ça. Du stalom, moi j'appelle ça des singeries autour d'une forêt de rames de poids. Bon, non, c'est plus ce que c'était. Et puis... Les demoiselles qui viennent au ski, on les voit bien par chez nous, on est placé pour. Les demoiselles qui viennent au ski, ça serait pas plutôt pour l'après-ski? C'est quand on voit la grenouille, on voit tout de suite le saut qu'elle peut faire. on sait qu'on n'est pas propriétaire du palais, qu'on n'est pas locataire du palais, mais qu'on est redevable de son usage et que c'est un usage symbolique, alors on ne fait pas n'importe quoi. Et si on fait ce qu'on fait, eh bien, on envoie un message. Alors décodons ce message. Et il a été chanté « Les femmes et la bœuf ». La bœuf, c'est l'herbe. « Les femmes et la bœuf, strictement verte, ne t'assieds pas, salope, s'il te plaît. » Salope, c'est... Quand on rend possible salope sur le perron de l'Elysée, on peut se faire appeler Manu. C'est pas très grave. Manu, salope, salope, Manu, on est à peu près dans le même registre. T'es vénère, parce que je me suis fait sucer la bite et lécher les boules. Donc effectivement, si on suce la bite, si on lèche les boules, si on s'assied avec des salopes ou pas avec des salopes, dans l'endroit qui est le propylée de la République, on peut se faire appeler Manu par un collégien, c'est quand même pas vraiment un problème. Je suis avec 6 mannequins, 6 bouteilles de champagne, bon, de ne pas être musulman, 4 belvédères et la bœuf partout. D'autres textes de cette nature, là, entre Paul Valéry et Stéphane Mallarmé, pour ceux qui auraient des lettres, danse, enculé de ta mère, danse. Danse, enculé de ta mère, danse. Bon, formidable. Alors, ce sont des conférences qui ont pour objectif, comme vous l'avez dit d'abord, de traiter de l'actualité, de donner des formations et surtout des informations par le biais des différents intervenants et intervenantes qui viennent dans leur spécialité donner aux insoumis leurs connaissances et permettre de donner une meilleure connaissance du système politique aujourd'hui en France. Vous êtes candidat à l'élection européenne. Est-ce que c'est une échéance importante pour la France insoumise ? Ben, c'est une échéance importante pour la France insoumise, évidemment. C'est une échéance importante pour les Français, parce que ça va être aussi un moyen pour eux de dire quelle politique ils veulent, et surtout celle qu'ils refusent, celle d'Emmanuel Macron, du libéralisme actuel, que nous tous, nous ne supportons plus. Donc on dit aux Français que ça va être un véritable référendum, et on les attend le 26 mai pour se mobiliser contre cette politique qui est en train de mettre la France à genoux. Est-ce que la France insoumise pourrait devenir le premier parti d'opposition à l'issue de ces élections ? La France insoumise est aujourd'hui, grâce aux députés de l'Assemblée nationale, la première force d'opposition. Les insoumis et les insoumises en France font un travail extraordinaire au travers des groupes d'action. Donc je pense que déjà, cette réussite, on doit la garder pour nous, les insoumis et les insoumises. Et je pense que les européennes vont être la confirmation que la France insoumise est aujourd'hui très présente dans le paysage actuel. Merci beaucoup, et à noter que Jean-Luc Mélenchon va s'exprimer tout à l'heure dans un meeting, ce sera à 17h30. Luc Alléger, merci. Je rappelle que vous êtes donc en direct de Marseille pour l'université d'été de la France Insoumise. On se retrouve tout au long de cette journée pour faire le point. Charline Vanhoenacker, ce matin en arrivant, vous m'avez dit « ne m'en veuillez pas ». Mais j'aimerais faire une mise au point. Alors de quoi s'agit-il ? Mais vous me faites marrer avec toutes vos analyses sur la sortie de Hulot. Mais qu'est-ce que j'ai pas entendu ? Un camouflet pour Macron, un cri désespéré pour la planète. J'ai même entendu, c'était un moment de grâce. Ah pardon, c'est vous ça. Bon, autant pour moi. Mais ce n'est pas un sujet politique, ce n'est pas un sujet climatique. Moi j'ai bien écouté les membres de la majorité qui s'expriment depuis hier, depuis qu'ils ont reçu leur petite fiche. Il s'agirait bien d'un problème psychiatrique. Écoutez bien les membres de la majorité, le type est formidablement sympathique, mais il était fragile. Et vu la manière dont il a claqué la porte, on a manifestement affaire à un déséquilibré. Quand il était gamin, le petit Hulot, il recollait les ailes des mouches. De toute façon, pour démissionner en France en 2018, faut être complètement timbré. Mais vous l'avez entendu mardi matin, c'est une décision entre moi et moi. Dédoublement de personnalité, schizophrénie, démence. Et d'ailleurs, l'un des premiers signes d'aliénation, c'est quand on n'écoute plus les conseils d'Alain Minc et de Jacques Attali. Alors bien sûr, c'était déjà compliqué pour En Marche de vérifier toutes les casseroles avant de nommer les ministres, mais si en plus il avait fallu faire un examen psychiatrique préalable, alors on a affaire à un gamin capricieux. C'est vrai quoi, vous avez vu tous les progrès écologiques qu'on a fait depuis 15 mois, on s'évertue à relancer l'économie, lui il freine tout avec le climat. Mais on avait envie de lui dire, mais arrête de nous saouler avec tes abeilles. Si elles disparaissent, les abeilles, c'est parce qu'elles n'ont pas su adopter une stratégie d'upgrading de leur target suffisamment ancrée dans le contexte économique. Et puis maintenant, il faut lui trouver un remplaçant. Oh, voilà, ça prend du temps, ça repousse l'agenda. Avec ça, on a encore été obligé de reporter le plan pauvreté. Gérald Darmanin, il l'a dit hier, faire de la politique, c'est être confronté au réel. Et Darmanin, il est bien en prise avec la réalité. Il n'est pas à la recherche d'un idéal stratosphérisé par la quête d'un absolu du type « il faut sauver la planète ». Donc pour faire de la politique, il faut être équilibré, solide. Comme Monsieur Canfin, par exemple. Ministre de l'écologie, c'est du taf, c'est pas aller faire le beau en ULM pour aller caresser 3 marmottes, on n'est pas dans Ushuaïa ici. Et puis il serait temps que les animaux se prennent en main. Regardez l'ours blanc, ça passe sa journée à se prélasser pendant qu'on essaie de le sauver, résultat, il crée de la dette. Ah oui. Si les espèces en voie d'extinction mettaient en place une stratégie de team building pour squeezer les situations impactantes sur l'écosystème, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci beaucoup Charline Vanhoenacker. J'ai entendu, comme vous, le président Macron, qu'est-ce qu'on va dire, insulter Maduro, en tout cas le traiter de dictateur, et finalement faire ce qui est très rare dans les relations diplomatiques entre des pays. On ne va pas se mettre à dresser la liste de tous ceux qu'on pourrait qualifier de dictateurs à travers le monde et avec lesquels la France a l'air de parfaitement bien s'entendre. Je dois dire que j'ai été surpris de voir le président Macron aller aussi loin dans la violence verbale, en tout cas à l'égard de ce pays. Comment est-ce que vous comprenez la position française? Est-ce que c'est un risque pour la diplomatie française? Est-ce qu'avec le Venezuela, on peut tout se permettre? Pourquoi Macron, qui est si prudent par rapport à d'autres personnages peu recommandables sur la planète, pourquoi, avec Maduro, a-t-il pris ce type de position? L'ensemble des médias ont annoncé que Maduro empêchait l'opposition de se présenter. Bon, Macron, c'est un type qui est informé aussi en lisant Le Monde ou Libération. Hein. Je pense qu'il doit jeter un œil de temps en temps ou qu'il doit écouter. Et donc, très objectivement, si vous me dites Maduro empêche l'opposition de se présenter, effectivement, on n'est plus dans un régime démocratique. Et comme, malheureusement, je suis pas un oiseau rare quand même, mais personne ne prend la peine d'expliquer ce que c'est que la loi électorale vénézuélienne et qu'en réalité, c'est la droite qui se met elle-même dans la difficulté et que Maduro ne va pas lui faire de cadeau, hein, compte tenu du contexte. On peut considérer que Macron se trompe. Après, on peut considérer qu'il est retort et qu'on ne veut pas fâcher l'Union européenne. Et puis, comme on s'est un peu fâché avec Trump sur le climat, l'accord de Paris, on lui file en échange le Venezuela. Parce que c'est intéressant de revenir au cas de Obama, quand il signe un décret faisant du Venezuela une menace exceptionnelle, extraordinaire pour les États-Unis. L'analyse qu'on en a faite, encore qui est juste ou qui n'est pas juste, c'est qu'en fait, c'était pour calmer un peu les républicains et les exciter aux États-Unis en disant, écoutez, je normalise les relations avec Cuba, mais vous voyez, je fais passer un décret sur le Venezuela. Et je pense que Macron, c'est un peu la même chose. Souvenez-vous, le coup d'État en Haïti, contre Jean-Bertrand Aristide en 2004. La France a participé directement avec les États-Unis au renversement d'un président qui n'était pas parfait, mais qui ne méritait pas qu'on le renverse. C'était là aussi une réconciliation. C'est-à-dire que 3 ans auparavant, Dominique de Villepin, à l'Assemblée générale des Nations unies, avait dit non à la guerre en Irak. Et puis il fallait se réconcilier avec Washington, et donc on a filé à Haïti. La France a pris une position sur l'interdiction du voile pour les enfants scolarisés au collège, au lycée. Ça n'était pas à l'époque une dérogation à la loi de 1905 ? C'était une inflexion, effectivement, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le principe de laïcité en France, c'est essentiellement et presque uniquement une neutralité exigée de l'État et des fonctionnaires, pas du tout des usagers des services publics. Et là, pour la première fois, on rétrécit quelque peu les libertés de certains usagers des services publics en leur imposant une tenue non religieuse. Alors, il y a eu cette interdiction faite, on peut considérer à des mineurs, hein, c'était un peu ça l'argument ultime, c'était de dire, elles ne savent pas, puisque c'était des filles dont on parlait, elles ne savent pas ce qu'elles font, bon, oui. Elles le sauront plus tard, et à ce moment-là, ok, mais on voit par exemple des problèmes posés à des mères, pour les sorties scolaires par exemple, parce qu'elles sont voilées. Donc ça, on peut dire que c'est en contradiction avec la loi. Alors, la loi n'en parle pas. Hein, donc il faut plutôt se pencher sur la jurisprudence, et ce débat sur les mères accompagnatrices a fait couler beaucoup d'encre aussi, de la même façon que le burkini en son temps a fait aussi parler. Il y a effectivement une demande sociale, semble-t-il, et qui est relayée par les politiques, de neutraliser le plus possible l'espace commun. Mais encore une fois, neutraliser l'espace commun, c'est mettre en danger la liberté d'expression, mettre en danger le pluralisme et son fonctionnement dans notre société. Et deuxième chose, je m'étonne aussi que ce soit toujours des tenues féminines qui soient ainsi dénigrées et considérées comme étant dangereuses. Et c'est ça c'est quelque chose qui doit vous intéresser pour l'aspect psychanalytique, c'est quand même incroyablement focalisé sur la tenue féminine. Et je ne parle pas seulement du voile, je parle de la robe à ramages de Cécile Duflot, etc., etc. Et jamais on ne pose le même interdit vis-à-vis de la tenue religieuse de l'homme. Donc il faut peut-être se poser aussi la question de ce rapport aux femmes. Et je pense que dans le contexte actuel, cette réflexion peut aussi être poussée. Alors je préviens tout de suite ceux qui nous regardent, les chiffres vont être épouvantablement élevés. Il s'agit d'une campagne présidentielle, c'est bien sûr des sommes considérables. On ne doit pas dépenser pour le premier tour plus que 16 800 000 euros. Et si on a la chance d'être au second tour, on peut dépenser, si j'ose dire, 6 millions de plus, c'est-à-dire à peu près 22 500. Je vais me permettre une petite référence historique. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a été battu par François Hollande, a légèrement dépassé son plafond. Grosso modo, il ne pouvait pas dépasser plus que 22 millions. On évoque des dépenses de 45 millions, voire de 50 millions. Comment se fait-il déjà que vous n'ayez pas expliqué ce qu'ont été les dépenses en général de chacun? C'est quand même intéressant de remarquer, par exemple, qu'Emmanuel Macron a été le plus dépensier de tous les candidats. On peut dire que c'est parce qu'il était au second tour, d'accord, mais il est quand même le plus dépensier, 16 700 000 euros. Et c'est quand même formidable aussi de savoir que Benoît Hamon, par exemple, a dépensé 15 millions d'euros. Pour donner un exemple, Mélenchon a dépensé 10 700 000 euros. C'est-à-dire que si on prend déjà les 5 grands candidats, celui qui a dépensé le moins, c'est de fait Mélenchon. Je pense que c'est important de le souligner. Vous m'expliquerez pourquoi vous n'avez pas donné cette précision-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui me semble intéressante, et après je vous donne évidemment la parole, c'est que lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle de dépenses, il faut savoir sur quelle durée vous avez dépensé. J'évoquais Benoît Hamon, il dépense 15 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment autant que Macron, qui pourtant est arrivé au second tour. Bon. Et il dépense ces 15 millions d'euros, Benoît Hamon, en 3 mois. Puisque l'élection à la primaire, c'est fin janvier. Alors, c'est vrai que dans ses dépenses, ils ont dû inclure un petit peu certains éléments de sa primaire, mais grosso modo, il devient candidat en février 2017. Mélenchon est devenu candidat en février 2016. C'est-à-dire que Mélenchon fait une campagne de 1 an et 3 mois, alors que Hamon fait une campagne de 3 mois. Mélenchon dépense 10 millions sur toute cette période, qui est quand même très longue, 1 an de plus que Hamon, et Hamon... Bon, je prends cet exemple simplement pour vous dire que ça me semble important aussi de parler de la totalité des dépenses et de la durée. Fondamentalement, ce texte dit une chose qui me semble incontestable, c'est-à-dire que on peut être, comme je le suis, à 100% pour l'existence d'Israël, dans des frontières sûres, et je pense que vous nous le direz, vous l'êtes également, et on peut être aussi, ce qui est mon cas, j'oserais dire depuis que je suis un tout jeune homme, à 100% pour un État palestinien. Moi, j'ai fait partie, à 17 ans, des comités Palestine, tout en étant favorable, évidemment, à l'existence d'Israël. Et dans ce texte, vous mettez en évidence le fait que être contre le gouvernement israélien, à l'époque c'est Sharon, est-ce qu'on peut dire que ça n'est pas tellement mieux que ce que nous avons aujourd'hui avec Netanyahou, qu'on peut être contre le gouvernement israélien à 100% même, sans pour autant souhaiter le moins du monde la destruction d'Israël, et encore moins être antisémite. Donc qu'est-ce qui fait à l'époque que le Parti Socialiste réagisse si mal? C'est particulier, est-ce qu'on dit que la France insoumise, vu qu'elle est en désaccord avec Macron, est contre la France? Personne n'oserait dire une telle bêtise et une telle énormité. Mais si vous êtes contre Sharon ou contre Netanyahou, on vous dit que vous n'êtes pas opposé à un gouvernement, mais opposé à l'État qu'il gouverne, voire même que vous êtes motivé par la haine du peuple qui l'habite. Donc c'est effectivement complètement incongru par rapport à toute autre critique. Et pourquoi? Parce que c'est finalement, comme vous l'avez vous-même dit dans votre préface d'introduction de cette émission, on ne peut plus, fort heureusement, se revendiquer antisémite. Et donc l'accusation antisémitisme est l'accusation la plus lourde. Comment défendre aujourd'hui le gouvernement israélien? Eh bien par en brandissant cette accusation. Et comme les gens n'aiment pas être traités d'antisémites, soit parce que c'est douloureux pour eux, parce qu'ils ne le sont pas, ceux qui le sont supportent assez bien ce type d'accusation, même s'ils ne s'en vendent plus publiquement, ou que ce type d'accusation peut vous conduire à des problèmes plutôt lourds en termes personnels, en termes professionnels, les gens disent « Ouh là là, je ne veux pas être accusé ». Et donc, on se sert, on instrumentalise la lutte contre l'antisémitisme au profit de la défense politique d'un gouvernement. Et donc, là, on le voit très bien encore jouer avec l'actualité. Je veux dire, quand vous avez des militaires qui tirent sur des civils désarmés que l'on proclame qu'ils sont terroristes, eh bien, devient normalement quand même la tempête de protestation dans le paysage politique, médiatique, aurait dû être un peu plus importante qu'elle l'est. Il y a des protestations, mais elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se disent « Ouh là là, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Si je critique l'armée israélienne, on va dire que je suis antisémite, je ne suis pas prêt à supporter cette critique-là. » Là, je joue avec ma femme, on vient de s'acheter une Simca neuve. On a pris le break, cause du commerce. On a mis un grillage au milieu parce qu'on met le chien derrière. Parce qu'on n'a pas d'enfant avec ma femme. Mais par contre, on aime beaucoup les bêtes. On s'est acheté un autre chien, Rex, chien policier. Très gentil, très affectueux, surtout avec Madeleine. Et puis dans le commerce, c'est utile, hein. Parce qu'on a toujours affaire un peu à n'importe qui, on ne sait pas si c'est les immigrés, tout ça. Alors lui, il a peur, hein. Attention. Hein. Et puis on fait des stages à la gendarmerie avec le chien. On fait des stages. En même temps, on apprend les langues. On apprend l'allemand pour le chien, puis l'arabe pour les mecs. C'est bien. Tenez, l'autre jour, je charge un maghrébien du côté de la Muette. Parce qu'ils habitent les beaux quartiers, pour pas croire. Ouais. Il me dit Orly. Je me dis, chouette, en blanc, il s'en va. Il allait en chercher six autres. Tous les Français sont un petit peu plus cons qu'ils en ont l'air, par exemple, ou alors plus belges qu'ils en ont l'air. Et il y en a qui sont racistes, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont mesquins. Alors il s'agit un petit peu de les... De les secouer. Non, de grossir ce qu'ils sont de manière à ce que ça se voit. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah non, mais l'uniforme, il est pour beaucoup. Alors, il était là avec son petit papier tourné autour de moi, et je sentais qu'il n'osait pas, qu'il avait peur. Le genre, le mec, patibulaire, tu vois, mais presque. Finalement, attends, finalement, il s'amène. Pardon, monsieur l'agent, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'il est, pas sur la tête, le commissariat de police? Parce que j'ai pardon mes papiers d'identité, je voudrais faire une déclaration. Excusez-moi. Oui, vous avez vos papiers? Il les avait pas, dis-donc, je te l'ai emmené au commissariat. Marseille, un CRS tue un adolescent. D'origine marocaine. Ah, c'est bon. Violence policière, 14 morts en 80. Bon. Monsieur Christian Bonnet, la police n'est pas noyautée par l'extrême droite. Eh ben, c'est pas la peine de le mettre si gros, alors, hein. S'il n'y a rien à dire. Et ça, c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Donc, effectivement, ça m'intéresse. Vous voyez, le 7 janvier, un mort. Le 9 janvier, deux morts, un blessé. Le 9 janvier, encore, un tabassé seulement. Oh, c'était un arabe, remarqué, on peut quand même rigoler. Le 10, un flic arrêté pour viol. Le 13, un mort. Un flic s'est tiré, mais c'est Ricochet et Contumace, vous savez. C'est les deux grands responsables. Ceux qui sont morts étaient peut-être pas tous non plus des gentils garçons, là. Non, mais ils étaient tous blessés, par contre. Ils étaient peut-être armés aussi, non? Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison, moi je suis d'accord. Le problème c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin, il y en a une en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Mon père et mon frère sont rentrés très tôt dans la résistance. J'ai participé à mon premier déraillement à l'âge de 16 ans et demi dans le sud. Puis j'ai été muté dans les maquis de la Creuse. De la Creuse étant d'origine italienne, on m'a fait partir à la main d'œuvre des FTP MOI à Lyon. À 87 ans, Léon Landini ne cesse de répéter que la résistance ne s'est pas limitée à un fait d'armes, mais qu'elle portait aussi un projet de société révolutionnaire consigné dans le programme du Conseil national de la résistance. Un programme rédigé et signé dans la clandestinité par l'ensemble des partis politiques, des mouvements de résistance et des syndicats. Un programme intitulé magnifiquement « Les jours heureux », dont nous bénéficions encore tous les jours et qui donna naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, à la liberté de la presse, aux comités d'entreprise, etc. Ici, s'est tenue le 27 mai 1943, sous l'oppression allemande, la première réunion clandestine du Conseil national de la résistance. C'est ici que, sous l'égide de Jean Moulin, tout a commencé. Du fait de ses convictions politiques, Jean Moulin est révoqué par Vichy. Il fait alors un tour de France afin de répertorier les mouvements qui commencent à s'organiser, puis part à Londres en faire part au général de Gaulle. Celui-ci lui demande d'unifier les mouvements non communistes de la zone sud. La résistance intérieure étant majoritairement de gauche, le général sait qu'il va devoir lui donner des gages sur le terrain social s'il veut qu'elle s'unifie sous son nom. Après plusieurs mois de discussions, parfois âpres, Jean Moulin réussit cette unification. En janvier 43, le Parti communiste envoie un émissaire à Londres et accepte de se ranger sous les ordres du général de Gaulle. Et pour de Gaulle, l'unification c'est crucial. Et il ne peut être un interlocuteur à part entière pour les alliés que si la résistance dans son intégralité le reconnaît pour chef. Et le CNR, c'est ça. Et un jour, au 48 de la rue du Four à Paris, le CNR... Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie. Sur le sol français, la résistance intérieure organise l'insurrection. La République est restaurée au fur et à mesure de l'avancée des troupes. Des Français issus de la résistance et non des officiers américains, comme le prévoyait Roosevelt, se substituent aux fonctionnaires de Vichy dans les administrations. Ceci a été rendu possible grâce au rapport de force gagné par De Gaulle, soutenu politiquement par le CNR face aux Alliés. Quand De Gaulle prend le pouvoir, on savait ce qu'il allait faire. Il allait appliquer, dans toute la mesure du possible, le programme du CNR, ce qui s'est passé. Le général de Gaulle va parler à la France, et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde. La France, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soit dirigé et exploité non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. En octobre 1944, les communistes rendent leurs armes et entrent au gouvernement de Gaulle comme tous les autres partis politiques membres du CNR. Ils seront les plus ardents dans l'application du programme, notamment avec la création d'EDF par Marcel Paul, ou l'instauration de la sécurité sociale par Ambroise Croizat.

D'ailleurs, c'est la première fois qu'on me prie de bien vouloir venir à un déjeuner. En général, on m'invite à y participer. Aucune forme de pratique monarchique ne nous agrée. Oui. Est-ce qu'il vous a répondu ? Ah, ça vous regarde pas. Parce que bon, ça commence pas bien, hein, cette interview. Non, non. D'accord, mais enfin, il faut respecter. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Il m'a répondu de manière manuscrite. Donc, je considère que c'est un message personnel. Donc, dire ce qu'il y a dans ce message ne m'appartient pas. Vous lui poserez la question à lui et il vous dira ce qu'il m'a répondu. C'était gentil, c'était méchant, c'était drôle. C'est toujours drôle. Franchement, tout ça n'est pas. Quand je refuse sur ce ton une invitation, d'abord, je commence par le remercier de m'avoir invité. Hein. Moi, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ça me fait toujours quelque chose d'être invité par le président de mon pays. Mais je lui réponds sur un mode politique. Je suis pas le seul, d'ailleurs, à pas avoir été à ce repas. Les Républicains non plus ont dit, écoutez, vous exagérez, quoi. Déjà, vous prétendez nous clouer sur notre chaise une heure et demie à vous écouter sans pouvoir rien dire. Et en plus, il faudrait qu'on vienne vous servir de faire valoir les... Il vous a répondu de façon drôle. Non, je l'ai senti agacé. Mais moi, j'ai écrit la lettre avec le sourire aux lèvres. Bon, parce que quand je dis je suis occupé à la même heure par des activités hostiles à votre gouvernement, franchement, quand vous écrivez ça, vous-même, vous souriez, ça vous fait cet effet. Après, la réunion même le congrès de Versailles, qu'on se comprenne bien, on peut admettre, c'est pas ma constitution, mais j'admets qu'on puisse imaginer un contact entre le président de la République et les assemblées, les deux, elles sont là toutes les deux. Admettons, pourquoi pas, une grande circonstance nationale, la France entre en guerre, ou bien, comme on l'a vu une fois, un attentat épouvantable qui secoue tout le monde. Bon, alors à ce moment-là, il y a un besoin de... le président vient et porte la parole de la patrie, en quelque sorte. Bon, ou que sais-je encore, hein. Mais là, non, il a décidé que tous les ans, on était prié de venir, de l'écouter sagement. On n'est même pas par groupe politique. C'est même pas politique, on est transformé en individu. Donc moi, je suis censé m'asseoir à côté de Madame Ménard. Vous imaginez la partie politique... C'est toujours comme ça. La réunion du Congrès ont toujours été comme ça. Justement, donc on fait attention à ce que ça ne prenne pas une tournure que ça ne doit pas avoir. Donc cette idée de nous convoquer tous les ans, bah non. Alors là, apparemment, il a accepté un de nos amendements. Mais le pauvret, il a encore dit très mal la chose. Il dit, je présente un amendement. Mais non, président, le président de la République présente pas d'amendement. Non, il a dit qu'il demandait au Premier ministre de le faire. Mais attends, soyons clairs. Bravo, c'est encore mieux. Il demande au Premier ministre de faire un amendement pour lui. Le Premier ministre va amender son propre texte. Vous direz, ils le font continuellement. Non, mais attendez, disons-le à ceux qui nous écoutent, apprendront ça au moins. Le gouvernement dépose des textes et à intervalles réguliers, il l'amende lui-même. Jean-Luc Mélenchon, on va être clair pour les spectateurs. Hein. D'abord, on va revenir sur ce changement, mais d'abord, je voudrais que vous l'écoutiez lorsqu'il a commencé ce discours. Ça ne sera jamais que la deuxième fois. Non, mais donc du coup, vous l'avez écouté, vous avez tweeté tout l'après-midi. Hein, mais oui, mais bon. J'ai pas dit que je ne voulais pas l'entendre, j'ai dit que je ne voulais pas de cette circonstance-là où il parle, il s'en va et nous on est là et on écoute les discours de nos amis. Ça ne sera plus qu'à l'année prochaine, on va y revenir dans un instant, mais d'abord, vous l'avez traité de monarque présidentiel absolu. Écoutez la façon dont il se présente en début de discours. Il y a une chose que tout président de la République sait. Il sait qu'il ne peut pas tout, il sait qu'il ne réussira pas tout. Et je vous le confirme, je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout. Mais mon devoir est de ne jamais m'y résoudre et de mener inlassablement ce combat. Tout président de la République connaît le doute, bien sûr. Et je ne fais pas exception à la règle. Mais j'ai le devoir de ne pas laisser le doute détourner ma pensée et ma volonté. C'est une fonction qui, si l'on est réaliste, porte à l'humilité, ô combien. Mais à l'humilité pour soi, pas à l'humilité pour la France. C'est pas très monarque absolu, ça. C'est une forme de mea culpa. Je cite Anne Rosenchère, ma consoeur de l'Express, elle a dit « Jupiter est revenu sur Terre ». Mais pas du tout. C'est une introïte absolument narcissique. Je n'ai pas de doute, mais si j'en ai comme tout... Mais on s'en fiche. S'il veut faire une séance de psy, il le fait à l'endroit où c'est prévu. S'il veut faire un meeting politique, il le fait à l'endroit où c'est prévu. On convoque pas les élus des deux assemblées pour s'entendre dire ce que tout le monde sait, que toute œuvre humaine est imparfaite. Oui, mais vous le traitez, vous, comme bien d'autres, et peut-être est-ce juste en partie, la preuve, c'est qu'il y répond, d'arrogance, de manque d'empathie. Bon, là, j'ai entendu. Empathie, c'est un brave homme, j'en suis sûr. C'est pas le sujet. Pas pour les pauvres. Bon, tout ce qui est le commun des mortels, ça l'intéresse pas. Ça, c'est clair. Quand il dit dans la gare, il y a ceux qui réussissent, ceux qui sont rien, ça, c'est signé Furax, on comprend à quelle classe sociale on a affaire. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est pas le ton, c'est ce qu'il fait, pas ce qu'il dit. Parce que justement, tout le discours, faut pas s'occuper de ce qu'il dit, faut voir ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous convoque là, et puis, juste après, il y a une réforme constitutionnelle où on va diminuer le nombre de parlementaires. On va être le dernier pays d'Europe et d'Eurasie pour le nombre de parlementaires. Il va diminuer le droit d'amendement. Il va introduire une dose de proportionnelle qui, pour faire semblant de donner la parole à tout le monde, qui ne correspondra à rien. C'est M. Bayrou lui-même qui l'a dit. Non, mais M. Bayrou a dit, en dessous de 25%, ça n'a pas de sens. Bon, et il a raison. Mathématiquement, c'est comme ça. Il est en train de renforcer le caractère de la monarchie présidentielle. Je pense que s'il y a un poids sur lequel tout le monde est d'accord, c'est pour dire qu'en France, c'est plutôt une monarchie présidentielle. Il va le durcir. Et donc, nous l'avons qualifié d'égocrate, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que c'est à partir de lui que le pouvoir se construit. C'est exactement ce qu'il vient de faire là. Alors, je doute, mais je doute pas, et ainsi de suite. Il répond aux critiques sur sa personne. Oui. Et puis, effectivement, il dit que l'année prochaine, enfin, il demande que soit amendé, qu'un amendement soit présenté dans la réforme constitutionnelle pour que l'an prochain puisse faire son discours devant le Congrès, mais ensuite rester et répondre aux parlementaires. Parfait. Ben écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé au Parlement européen. Il a été interpellé d'une manière qui était parfois un peu rude, y compris par le député insoumis Younous Omarjee. Bon, il a dit ce qu'il avait à dire. Donc vous êtes content. Donc attendez, on a déposé un amendement pour demander ça et on l'obtient. Donc ça prouve que ça valait la peine de boycotter. Et donc vous serez là l'année prochaine. L'année prochaine est un autre jour. Non, mais vous serez là l'année prochaine. Nous verrons, madame, où nous en serons et s'il est encore là l'année prochaine et ainsi de suite. Mais écoutez, supposez. À part le sort que Dieu nous réserve, ou que le destin c'est pas Dieu, nous réserve. Disons les circonstances. Oui, circonstances, si vous voulez. Non, mais en tout cas, a priori... Supposez qu'il se prenne une bâche électorale terrifiante aux européennes. Quelque chose de vraiment terrible, quoi. Alors, à ce moment-là, je pense que par dignité, il dirait, on n'est plus d'accord. Moi, je suis tellement moi, je veux pas changer, vous m'avez sanctionné, au revoir. Ça, c'est connu, ça. De Gaulle est parti quand il a eu un référendum. Un référendum. Là, ça sera une élection européenne. Vous pensez qu'il devrait partir? Oui, mais cette élection européenne... Il devrait partir s'il n'est pas premier. Et tout le monde sait que c'est un référendum. Encore aujourd'hui, il nous a fait un grand truc sur l'Europe. D'accord? Il s'identifie à une vision de l'Europe que je trouve d'ailleurs complètement dépassée. Il s'identifie à ça. Supposez que il ait un score misérable, ça peut arriver, hein, ça arrive à tout le monde. Ça va arriver à d'autres d'ailleurs, hein. Peut-être à moi, qui sait. peut-être qu'il dirait, écoutez, moi je lâche prise, salut, au revoir, débrouillez-vous sans moi. Vous croyez que c'est le genre? En tout cas, dans une démocratie, c'est quand même souvent comme ça qu'on fait, hein. C'est-à-dire, quand le peuple vote d'une manière, en général, hein, les dirigeants disent, d'accord. En tout cas, s'il perd les européennes, vous dites, il devra partir. Ouais, écoutez. Oui. Je vais vous dire une chose. Oui. C'est important quand même. Aujourd'hui. C'est important, hein. Oui, bien sûr que c'est important. Donc, il devra partir s'il perd les européennes. Non, ce qui est important, ce que je veux dire à ceux qui nous entendent, c'est que si vous lui faites perdre les européennes, vous avez une chance qu'il parte. Et comme cet homme-là, décidément, nous coûte un maximum, aux gens normaux, hein, aux gens qui ont que la sécu, qui ont que leur travail pour vivre, etc., le plus vite tout ça se finit, le mieux on se porte. Ouais. Mais dans les formes démocratiques, évidemment. Oui, parce que c'est pas du tout prévu dans la Constitution, on est bien d'accord. Non, mais totalement inédit. Il n'était pas prévu que le général de Gaulle s'en aille. Mais attendez, pour qualifier un peu son discours d'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau Macron qui est apparu, un peu style Hollande. C'est-à-dire, il n'assume plus. Autrefois, il assumait. C'était la qualité qu'on pouvait leur connaître. Vous tracez un truc, pouf, c'est comme ça parce que j'y crois. Là, il n'assume plus. Il biaise, il tortille. Alors, il dit quoi? Vous dites, je suis le président des riches parce que j'ai supprimé l'ISF. Mais pas du tout. C'est pour les entreprises. Menteur. L'ISF, c'est un impôt personnel sur la fortune personnelle. Les sociétés, c'est l'impôt sur la société. On a baissé les impôts sur la société, il l'a fait, ce qui est une erreur à mon avis. Mais l'impôt sur la fortune, c'est un impôt personnel. Il confond la richesse, qui est personnelle, et le capital. capital, qui est un rapport social. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner 4 ou 5. Il assume plus. Il dit sur les pensions de reversion. Il dit, ah mais non, pas du tout, c'est une rumeur. Mon œil, c'est ses propres ministres qui l'ont dit. Et puis après, il dit, pour les retraites d'aujourd'hui. Ah, monsieur, mais tout le monde a compris. Rien ne changera pour les retraités d'aujourd'hui. Bah oui, ça, donc... il était au courant, les retraités d'aujourd'hui, qu'on peut pas changer leur retraite. Mais par contre, ça veut dire que toutes les pensions de reversion des femmes qui auront le malheur de perdre leur compagnon, parce que pour l'essentiel, 87%, c'est les femmes qui ont les pensions de reversion. L'année prochaine ou l'année d'après, terminé, il n'y a plus de... C'est pas l'année prochaine, ce sera après la réforme. Après la réforme qui sera discutée pendant des mois. Non, non, mais vous n'y êtes pas, vous n'avez pas suivi son calendrier. Il dit qu'il a fini en décembre avec cette histoire de retraite. Bon, à mon avis, il n'est pas prêt d'en finir. Parce que ça va être pour lui le plus grand choc de son mandat, parce que là on est sur la retraite, c'est l'os dur du symbole du système français de solidarité. Vous comptez en faire votre cheval de bataille de l'année prochaine? Pas que le mien, parce que c'est les syndicats là, je pense qu'il y a des tas de divergences qui vont s'étaler. Mais vous m'entendez, pourquoi cet homme a changé de ton? Pourquoi maintenant il n'assume plus ce qu'il fait? Pourquoi il ne dit pas comme il disait au début, ah ben si on donne des sous aux riches, ils vont investir? Pourquoi il le fait? Quand à un moment donné il dit c'est l'investissement en France qui compte, etc. Comment explique-t-il que cette année, où il vient de leur faire cadeau de presque 10 milliards, l'investissement baisse? Donc ça prouve bien que c'est moi qui avais raison. La théorie du ruissellement, c'est-à-dire je donne beaucoup à manger aux riches, comme ça ils tombent des miettes de la table et de la bouche. Eh bien ça ne fonctionne pas. C'est un échec sa politique. Il a dit, pour se distribuer les parts du gâteau, il faut d'abord qu'il y ait un gâteau. Et donc, je fais une politique pour l'entreprise, d'investissement pour l'entreprise. Ça, il n'en a pas, démordu. Il n'a pas changé son axe. En revanche, sur le social... Attendez, vous allez dire une phrase très importante. Donc, pour partager le gâteau, il faut qu'il y ait un gâteau. Il n'y a pas de gâteau en ce moment? Ben, bien sûr que si. La France produit plus qu'elle n'a jamais produit. Elle a des richesses plus qu'elle n'en a jamais eu. Et 10% de gens se partage plus de la moitié de tout ce qui est produit. Donc il y a un gâteau et certains s'empiffrent. Et les autres n'ont rien. Donc quand il prononce cette phrase, et vous avez raison de la rappeler, il recommence un mensonge et un faux semblant. Donc il assume. Donc là, il assume. Ben non. Il répète ce qu'il disait. Aurait dû dire, non mais pardon, Hôtel Krief, il aurait dû dire, bah écoutez, c'est normal dans la vie, il y en a qui peuvent plus que d'autres, comme il faisait à un moment donné. Il disait, dans les gares, il y a les gens qui ont réussi et les autres qui sont rien. Là, il aurait pu dire, bah écoutez, ceux qui produisent, faut qu'on les chouchoute. Non, il raconte une histoire de gâteau qu'il faudrait d'abord produire alors que les gens qui travaillent se tuent au travail. Donc, il enfume, si vous voulez. C'est pour ça que je dis, c'est le style Hollande. Vous savez, c'est ses paroles à la sortie, on ne sait plus ce qu'il avait dit, mais il avait enfumé tout le monde. Est-ce qu'il y a un tournant aussi un peu social? Je m'explique. Il a effectivement, il a fait une forme d'autocritique sur sa personne. Vous vous dites, mais non, on s'en fiche, c'est la psychanalyse, ça m'intéresse pas. Mais enfin, quand même, il a dit quelque chose là-dessus. Et puis, il a voulu montrer qu'il entendait les critiques sur le président des riches. Et on va l'écouter. Il répond, il dit, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas faire réussir un petit groupe. C'est tout le monde. Ce n'est pas un projet pour la réussite matérielle de quelques-uns auxquels je crois. C'est un projet pour l'amélioration de la vie de tous. Car ce n'est pas le petit nombre qui m'importe, mais la communauté de nos concitoyens, de la base au sommet de l'échelle sociale. Le modèle français de notre siècle, le réel modèle social de notre pays, doit choisir de s'attaquer aux racines profondes des inégalités de destin, celles qui sont décidées avant même notre naissance, qui favorisent insidieusement les uns et défavorisent inexorablement les autres. À mes yeux, le cœur même d'une politique sociale, celle que nous devons porter, n'est pas d'aider les gens à vivre mieux la condition dans laquelle ils sont nés et destinés à rester, mais d'en sortir. Le pilier premier de la politique sociale à laquelle je crois est une politique de l'émancipation de chacun. Aller à la source de l'inégalité des destins, l'émancipation de chacun, ne pas aider ceux qui sont dans la situation de pauvreté à rester dans la pauvreté, mais à en sortir. Je pense que vous ne pouvez pas dire que c'est vous aussi, vous voulez aller à la source des inégalités de destin. Non mais attendez, c'est honteux ce qu'il fait. Il distingue, parce qu'il y a une phrase là, je ne sais pas si on l'a bien entendu, il dit, c'est pas une affaire d'inégalité de revenus le problème, c'est une inégalité de destin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a une différence entre les revenus et le destin, d'accord? Donc quand la il parle, naissance, écoutez-moi, l'héritage, non, les non, réseaux. Non, il parle de la condition dans laquelle se trouvent les gens. Or, la condition dans laquelle se trouvent les gens, c'est-à-dire la répartition sociale, n'a pas bougé depuis 40 ans. Elle est d'ailleurs inacceptable, mais elle n'a pas bougé. Les inégalités de destin, c'est-à-dire l'éducation, les réseaux, l'héritage, ça c'est quand même aussi fondamental. Il y a des choses. L'éducation. On parle d'inégalité de destin. C'est pas moi qui ai choisi cette phrase en figurique pour parler de quoi ? De la condition des gens, d'accord ? C'est-à-dire la condition dans laquelle vous êtes au point de départ. Ouvrier, fils d'ouvrier, fils de cadre, fils, etc. Ou fille. Bon. Ce qui est clair, c'est que cette répartition-là, elle bouge pratiquement pas depuis 40 ans. Ce qui est un problème, en effet. Mais il faut pas tout mettre dans le même panier. Des choses qu'on veut changer. Par exemple, si vous changez la loi sur l'héritage, évidemment, vous changerez les destins de la génération suivante. Mais il y a deux choses qui sont inacceptables dans cette idée. C'est d'avoir dit que c'était pas une question de revenus. Si, monsieur le Président, c'est une question de revenus. Parce que les uns gagnent toujours plus et les autres toujours moins. Et la deuxième, qui est une vision extrêmement grande bourgeoise de la vie, qui consiste à dire sortir de sa condition. Si on parle des pauvres, on est bien d'accord, mais qui rend pauvre? Qui crée la pauvreté? Sinon, l'inégalité du capital, des revenus du capital et du travail. Et puis, j'ai enfin envie de vous dire, mais monsieur, non, il n'y a pas une idée de sortir de sa condition. Quand on est un ouvrier hautement qualifié ou une ouvrière hautement qualifiée, eh ben, c'est un pays dont on a besoin. Là, il parlait des pauvres et le micro est retombé. Donc, on se retrouve dans un instant. On se retrouve, Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, il a tiré le bilan de ces un an devant le Congrès. Et vous, votre bilan de un an, il n'y a pas eu de mai 68 bis, il n'y a pas eu de printemps social. L'exécutif a fait passer ses réformes, la SNCF, etc. Le bilan, vous êtes classé comme premier opposant, mais le bilan n'est pas formidable. J'ai fait mon travail et mon groupe avec moi. Il y a une opposition dans le pays. D'accord, nous sommes minoritaires, bah, on le constate. Il y a eu une lutte sociale, on s'y est impliqué corps et âme, mais nous ne la dirigions pas. Bon, voilà. Et il fallait qu'il y ait des voix pour résister dès la première minute. Parce que si on regarde le résultat au bout d'un an, le rapport que je peux avoir avec les Français en tant que personne et ou leader politique est bien meilleur que celui que lui, le président de la République, qui a tous les pouvoirs, a au bout d'un an. Et j'en prends le pari. Les choses vont s'aggraver pour lui, parce que l'illusion de la jeunesse, de la modernité, est en train de se dégonfler, et il ne reste plus que le visage grimaçant de l'homme qui fait les poches aux retraités, qui rend plus pauvres les pauvres, tout en disant le contraire. Et cette duplicité qui tue la politique, et le respect que les gens portent à la politique, monsieur Emmanuel Macron, qui en a été en quelque sorte le produit, c'est parce que la parole politique s'était dégradée qu'il a pu nous battre de 3 ou 4 points. Eh bien, cette maladie-là, il est en train de l'aggraver. Parce que vous, quand vous faites de la politique, vous faites pas de... On parle pas de duplicité, mais vous faites aussi de la politique, vous faites aussi des jeux politiques, non ? Non, j'ai pas l'impression. Enfin, je me bats, je dis ce que je pense. Enfin, on peut au moins me reconnaître ça. C'est pas toujours très confortable, mais pour finir, ça a été compris parce que on ne doit pas oublier que la France insoumise est l'autre phénomène de l'élection présidentielle. C'est son émergence. C'est le fait d'être passé du singulier dont on m'accablait au pluriel. C'est-à-dire, on est passé de Jean-Luc Mélenchon à 17 parlementaires. Bientôt, ils vont en arriver encore un bon paquet avec les élections européennes. Nous, on dira à nouveau, tiens, mais ces jeunes gens qui sont là, ces femmes, ces hommes, mais c'est incroyable, d'où sortent-ils? Ils sortent du peuple et ils sortent d'une action politique opiniâtre pendant des années, j'en suis très fier. Donc moi je trouve que le bilan du combat est bon. Et je vais vous dire, vous allez voir bientôt que des choses que nous avons construites avec patience vont arriver à maturité. Vous avez vu que la division syndicale peut être surmontée. Vous avez vu que le cloisonnement entre le syndical et le politique... Il y a une grève de la SNCF au moment où il y a les comités d'entreprise, les colonies de vacances, tous les gens, comme vous les appelez, tous les Français partent en vacances. Oui. Non, mais ça, c'est votre appel. Ça, c'est une appréciation que vous pouvez avoir sur un mouvement social. Je ne vous parle pas de ça, moi. Je vous dis ce qui a progressé dans la conscience de ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités, aussi bien au niveau syndical qu'au niveau politique. Moi, j'avais mis tout mon pari sur le décloisonnement entre les forces syndicales, les forces politiques et associatives. Nous y sommes parvenus le 26 mai, et maintenant, je pense que ça va s'élargir. Et par conséquent, quand vous entendez autant de gens venir dire... Quelqu'un comme M. Main, qui est un économiste, un observateur, vous ne pouvez pas l'accuser d'être un bolchevique, ni même un ami de la France insoumise, lui-même dit la même chose que moi, en disant « continuez comme ça, et vous amenez le pays à une insurrection ». Il y aura dans ce pays, d'abord une insurrection civique, je l'espère, citoyenne, à l'élection européenne, où les gens vont voter pour dire « stop Macron », voilà ce qu'ils vont faire. L'élection. Et puis il y aura des mouvements sociaux, parce que nous allons défendre le droit à la retraite par répartition, comme une bataille essentielle, comme quelque chose qui concernerait notre propre personne. Jean-Luc Mélenchon, les Européennes, justement, pour lesquelles vous voulez constituer une force de gauche, vous êtes allé voir Podemos, vous êtes allé au Portugal, vous essayez de rassembler un certain nombre de gens, je vais y revenir, mais si je regarde... C'est fait. Oui, je sais, mais vous allez continuer. Non, mais dites-le à ceux qui nous écoutent, c'est fait. C'est nous fait. Avons créé un mouvement européen qui s'appelle le Bloc. Maintenant le Peuple, dans lequel il y a Podemos, Bloco, un parti, le principal parti de notre gauche en Suède, la même chose au Danemark, et des discussions qui avancent. La Finlande aussi sont dedans, donc ça avance, c'est-à-dire vous allez avoir en Europe une alternative humaniste et écolo, c'est nous. Voilà. Il manque juste le grec Tsipras, oui, qui vous a envoyé... C'est pas qu'il manque, c'est qu'on n'en veut pas. Un de ses compliments, hein, qui dit « J'ai le sentiment que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas envie de gouverner, je me suis rendu compte qu'il ne saurait pas très bien quoi faire en cas de victoire, ce n'est pas une position de gauche. Lorsque vous êtes de gauche, vous devez vous préparer au pouvoir avec un programme en faveur des plus faibles, en sachant prendre des positions difficiles. Bien je ne sûr. Me contente pas de la posture du révolutionnaire. Ça y est, vous en avez encore combien de pages à dire. Mais moi, j'ai le droit de répondre là. Oui, oui, d'accord. Parce que Monsieur Tsipras est une des figures les plus minables de la vie politique européenne. Voilà un homme qui a été élu sur un programme de gauche radicale. Personne ne lui a écrit le programme. C'est lui qui l'a écrit. Il arrive au pouvoir. Il négocie avec l'Europe. On lui propose un mémorandum inacceptable par rapport à sa politique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait voter les Grecs. Les Grecs votent, on ne veut pas signer le mémorandum, et lui va et il signe. Ça s'appelle trahir sa parole. Quand il ose dire qu'il n'était pas prêt à gouverner, comment il le sait? Il ne m'a pas parlé depuis qu'il est au pouvoir. Il a lu le programme, l'avenir en commun? Non. Il dit c'est de la posture révolutionnaire. Lui, il dit faut aider les plus pauvres. Alors pourquoi a-t-il baissé les retraites? Pourquoi a-t-il vendu la propriété nationale? Pourquoi a-t-il ruiné son pays? Et moi je ne veux pas qu'il y ait un seul Français qui croit que si je suis demain le responsable de ce pays, je ferai un Tsipras. J'appliquerai ma politique. Et c'est là que tout commence. Parce que j'appliquerai ma politique, je veux pouvoir le faire. Et donc, il faudra changer les traités européens, parce que la politique que nous proposons n'est pas compatible avec les traités européens. Au moins, je suis franc. Je préviens à l'avance. Justement, la Grèce, elle est sortie de la situation difficile. Elle a une année de croissance. Non, ce n'est pas une première vrai. Année de croissance. Non, madame. Mais je sais que les Grecs ont beaucoup souffert. Les Grecs ont beaucoup souffert. Le produit, la richesse du pays a diminué de plus de 25%. Le pays est dévasté. La dette est supérieure à ce qu'elle était quand la crise a commencé. Où voyez-vous que ça va mieux? Parce qu'ils ont le droit d'emprunter sur le marché financier mondial. Est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs que la crise grecque a rapporté 3 milliards au gouvernement allemand et 1,5 milliard aux Français? Vous trouvez ça normal? C'est ça l'entraide entre pays européens. Je te prête des sous, je te prends à la gorge, je t'oblige à tout vendre pour me rembourser. Jean-Luc Mélenchon, voilà aujourd'hui, dans les élections, les sondages pour les élections européennes, vous êtes quatrième. Derrière La République En Marche, derrière le Rassemblement National Marine Le Pen, derrière Les Républicains. Aujourd'hui, c'est un sondage où vous êtes, c'est Soprasteria, vous êtes à 13%, je crois, en quatrième. 13%. Ah! Voilà. Quatrième position, Soprasteria, le monde d'aujourd'hui. Allons-y. Parce que ça vaut pas la peine, il faut montrer où sont les autres. Les premiers sont la République En Marche et le deuxième... Non, La République En Marche est donnée, elle a présenté comme la liste de M. Bayrou et de M. Castaner. Attendons de voir si c'est bien la liste de M. Bayrou. Ils sont à 26. Ensuite, le Front National, 17. Ensuite, les Républicains, 15. Et ensuite, nous, 13. Bon, c'est ça. Ça se tient dans un mouchoir. Ouais. Bon, donc on va faire campagne. Attendez, la campagne n'a pas commencé. Mais est-ce la campagne aura lieu et nous allons convaincre. Est-ce que le problème, c'est que vous n'êtes pas un peu flou, justement, sur l'Europe? Moi, je vous cite quelques-uns des gens qui peut-être auraient si pu... Si jamais je suis flou, vous aurez rectifié le tir, parce que ça fait 3 ans qu'on explique que je veux sortir de l'euro, sortir de l'Europe, que je veux adhérer à l'Alliance Bolivarienne pour les Amériques plutôt que d'être à l'Union Européenne. Je peux vous refiler toute la liste des bêtises qu'ont raconté vos confrères, et jusqu'en plein milieu de la campagne. Maintenant, peut-être qu'on va s'intéresser à ce que je dis vraiment. Alors, justement, juste écoutons Emmanuel Macron, et vous allez peut-être... Ah oui, parce que c'est lui qui préside, hein, je voudrais le rappeler, hein, c'est pas moi. Hein. Oui, il y a c'est des fois, on pourrait penser que c'est moi, mais non, c'est lui. Vous êtes mon invité, je vous pose des questions, vous réagissez oui. Emmanuel Macron, mais vous répondez aussi à mes questions. On a le droit de faire de l'humour aussi. Mais hein, oui, quand même, bien sûr. Écoutez. La frontière véritable qui traverse l'Europe est celle aujourd'hui qui sépare les progressistes des nationalistes. Le petit joueur de flûteau menait la musique au château. Pour la grâce de ses chansons, le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note. Avec un blason à la clé, mon la se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Et mon pauvre petit clocher me semblerait trop à percher. Je ne plierai plus les genoux devant le bon Dieu de chez nous. Il faudrait à ma grande âme tous les saints de Notre-Dame. Avec un évêque à la clé, mon la se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Je serai honte de mon sang, des aïeux de qui je descends. On me verrait bouder dessus la branche dont je suis issu. Je voudrais un magnifique arbre généalogique, avec du sang bleu à la clé. Mon la se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Je ne voudrais plus épouser ma promise, ma fiancée. Je ne donnerai pas mon nom à une quelconque ninon. Il me faudrait pour compagne la fille d'un grand d'Espagne, avec une princesse à la clé. Mon la se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Le petit joueur de flûteau fit la révérence au château, sans armoirie, sans parchemin. Sans gloire il se mit en chemin vers son clocher, sa chaumine, ses parents et sa promise. Nul ne disent dans le pays, le joueur de flûte a trahi. Et Dieu reconnaisse pour sien le brave petit musicien. Brassens, le petit joueur de flûteau. Brassens qui écrivait, qui chantait en français. Il arrivait à faire ça. Rendez compte un peu, quel courage, quel culot, hein. Oh, c'était déjà plus trop la mode, hein, de chanter, de parler en français. Oh, ben non, oh, quel culot. Alors je vous propose un petit peu des passages d'un livre qu'on a déjà feuilleté l'autre fois, Svetlana Alexievitch, La Supplication. Livre où il est question de Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse, qui lui a valu le prix Nobel de littérature en 2015. Alors, premier passage, page 16, au bas de la... Où donc as-tu disparu si soudainement? Il veut m'embrasser. Reste assis. Le médecin le retient loin de moi. On ne s'enlace pas ici. Le lendemain, à mon arrivée, ils étaient déjà séparés, chacun dans sa chambre. Il leur était catégoriquement interdit de sortir dans le couloir, d'avoir des contacts entre eux. Ils communiquaient en frappant les murs, point, trait, point, trait. Les médecins avaient expliqué que chaque organisme réagit différemment aux radiations et que l'un pouvait supporter dépassait les possibilités de l'autre. Là où ils étaient couchés, même les murs bloquaient l'aiguille des compteurs. À gauche, à droite, à l'étage, en dessous, on avait dégagé tout le monde et il ne restait plus un seul malade, personne autour d'eux. Plus loin un peu encore, vous n'avez plus à cuisiner. Leurs estomacs ont cessé d'accepter la nourriture. Ils changeaient. Chaque jour, je rencontrais un être différent. Les brûlures remontaient à la surface, dans la bouche, sur la langue, les joues. D'abord, ce ne furent que quelques petits chancres. Puis ils s'élargirent. La muqueuse se décollait, par couches, en pellicule blanche. La couleur du visage, la couleur du corps, bleu, rouge, gris, brun. Le pronostic du mal aigu des rayons est de 14 jours. L'homme meurt en 14 jours. Il me gronde. Qu'est-ce que le médecin t'a dit ? Il ne faut pas m'enlacer, il ne faut pas m'embrasser. Vous êtes enceinte ? Non, non. J'avais tellement peur que quelqu'un ne nous entende. Ne me mentez pas, soupira-t-il. Un professeur américain, le docteur Gale, il a procédé à une greffe de moelle osseuse. Il me consolait. Il existe un espoir, petit, mais un espoir quand même. C'est un organisme tellement puissant, un gars tellement fort. On convoqua tous ses proches. Ses deux sœurs arrivèrent de Biélorussie, son frère de Leningrad, où il faisait son service militaire. La cadette, Natacha, avait 14 ans. Elle pleurait beaucoup et avait peur, mais c'était Samuel à elle, qui convenait le mieux. Je peux en parler maintenant. Avant, je ne pouvais pas. Pendant 10 ans, je me suis tue. Plus loin, l'aisselle, 25 à 30 fois par jour, avec du sang et des mucosités. La peau des bras et des jambes se fissurait. Tout le corps se couvrait d'ampoules. Quand il remuait la tête, les touffes de cheveux restaient. Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme aimé qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif, avec un fort coefficient de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire. Prenez-vous en main. Tu es jeune, à quoi penses-tu ? Ce n'est plus un homme, mais un réacteur. Vous allez vous consumer ensemble. Je dis à l'infirmière de garde, il est mourant. Elle me répond, qu'imaginais-tu ? Il a reçu 1600 röntgen, alors que la dose mortelle est de 400. Tu côtoies un réacteur. Après leur mort à tous, on a fait des travaux à l'hôpital. Les murs ont été raclés. Le parquet démoli et jeté, tout ce qui était en bois. De retour du cimetière, j'appelle rapidement l'infirmière. Comment va-t-il ? Elle était allée à l'enterrement d'un collègue de son mari. Comment va-t-il ? Il est mort il y a un quart d'heure. On l'a glissé dans le sac en plastique que l'on a noué. Et ce sac, on l'a placé dans un cercueil en bois. Et ce cercueil, on l'a couvert d'un autre sac en plastique transparent, mais épais comme une toile cirée. Et l'on a mis tout cela dans un cercueil en zinc. On disait la même chose à tout le monde. On ne peut pas vous rendre les corps de vos maris, de vos fils. Ils sont très radioactifs et vont être enterrés dans un cimetière de Moscou selon un procédé spécial. Dans des cercueils en zinc, scellés sous des dalles de béton. Plus loin, on communique. L'entrée de le cimetière n'est pas autorisée. Le cimetière est investi par des journalistes étrangers. Plus loin encore, la tombe est immédiatement comblée. Vite, vite, ordonne l'officier. On ne m'autorise même pas à enlacer le cercueil, puis tout de suite dans les bus, tout en cachette. Plus loin, tel est le cycle du mal aigu des rayons. 14 jours. En 14 jours, l'homme meurt. J'ai enfanté 2 semaines avant terme. À première vue, c'était un bébé sain, des bras, des jambes, mais elle avait une cirrhose, 28 röntgen dans le foie. malformation cardiaque congénitale. 4 heures plus tard, on m'a annoncé que ma fille était morte. Le gars vient de dire aujourd'hui le contraire, ça vous paraît pas... Non mais si, j'ai entendu. Vous l'avez entendu, mais nos téléspectateurs, ils l'ont pas entendu. Monsieur Macron vous a menti tout à l'heure. Marine Le Pen a aujourd'hui dénoncé un véritable attentat contre ce parti après la décision de deux juges de saisir 2 millions d'euros de dette publique qui devait toucher son parti. Et elle a fait un appel aux dons et elle a dit, si demain la France insoumise était dans la situation dans laquelle nous sommes, eh bien moi je viendrai les soutenir. Et vous ? Vous les soutiendrez ? Eh bien, écoutez, je comprends qu'elle se préoccupe du cas de la France insoumise, parce que cette dame-là vient de faire elle est arrosée parce qu'elle est elle-même arroseur. Quand elle s'est fait mettre en cause, au lieu de se défendre, elle a envoyé la madame Dumontel, qui est un peu perchée, dénoncer le fait que nous en aurions fait autant, ce qui est complètement faux. Donc, madame Le Pen est directement responsable d'avoir elle-même mis en route contre nous ce dont elle se plaint aujourd'hui contre elle. Alors, je crains de devoir la laisser pleurer toute seule. Quoi que je dise qu'il n'est pas juste qu'on frappe des gens avant qu'ils soient condamnés. Ouais. C'est une procédure tout à fait inouïe. Et ça, en effet, elle a raison. Mais je ne vais pas lui donner un bonus alors que c'est elle qui essaye de créer les mêmes emmerdements aux autres. Dernier mot, le foot, parce que...